بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثاره ثم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأخذنا في الدرس السابق باب النفاق والنفاق ما هو لغة لغة سلفيه دو mettre fin à une chose نعم نعم mettre fin ou de dissimuler dissimuler une chose نعم et là le la définition يعني اللغوية qui est la plus proche de celle qui est charia c'est laquelle c'est le fait de dissimuler le fait de dissimuler un nifaq c'est le fait de dissimuler c'est quoi nifaq charan Shar'an, c'est le fait de dissimuler le kufr ou le char et de faire apparaître le bien ou l'iman. Non, en fait, d'une manière générale, comme on a pu voir avec la définition de Cheikh Sa'di, il a donné une définition qui est âme qui englobe les deux sortes de nifaq. Lui, il a dit le fait de dissimuler le mal et de faire apparaître le bien. De faire apparaître le bien, tu vois. Il dit, et par cette définition-là, Inch'Allah, les deux noirs, les deux catégories de nifaq à rentrer dedans. Naham. À rentrer dedans. Parce que. Comme on va le voir, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, on a pu voir al-nifaq al-i'tiqadi, wa kadhalika hunaka ma yusamma al-nifaq al-amali. Naham. Fa al-nifaq al-i'tiqadi, c'est quoi le hukm liman nafaqa nifaqan i'tiqadiyan? Yakhruj an al-millah. Kafirun min al-kuffar. Qui est le pire, yani entre les kuffar, yani asli, celui qui est munafiq? Munafiq, yani il est pire. نعم pourquoi لان يعني يسمعوا avec les musulmans il a vu le khair il a vu le khair il a profité du khair il a entendu le khair même peut-être yani il a œuvré du khair yani qui est pas pour Allah azza wa jalla mais il a fait le khair yani d'apparence donc il a vu l'islam il a vu le yani husn al-islam il a vu le bon côté de l'islam et il y a que du bon côté dans l'islam yani et malgré cela nafaqa il a été hypocrite yani, dans ses œuvres. Fahada, c'est pour ça qu'il est achat de kufran. Que celui qui est kafir, comme on a pu voir, qui peut être mu'arid, qui n'entend pas, qui ne cherche même pas à savoir, yani, à connaître le bon côté de l'islam, il s'en détourne. Fahada, kilahuma, c'est min ashab al-nar, lakin al-munafiq, c'est achat. C'est pour ça qu'Allah dit, inna al-munafiqina fi darkil asfali min al-nar. Qui sont dans les derniers yani, paliers de l'enfer. L'enfer, il a des darakat. Et Al-Jannah, il a des darajat. Naam. Ensuite, il avait évoqué les anwar, yani, qu'on peut retrouver dans le nifaq, al-i'tiqadi, et elles se ressemblent yani, les uns des autres. Fait al-haqiqa. Il avait évoqué en premier le at-takdhib al-rasoul. Ça, c'est ma'loum, inshallah, tabarak wa ta'ala. C'est des choses qui sont ma'loum. Il avait évoqué kadhalika at-takdhib ba'di ma ja'a biha al-rasoul. Et ça, c'est khater, yani. Dans le fait où certains musulmans aussi peuvent rentrer dedans, ils peuvent tomber dans cette catégorie-là, la deuxième. Il se dit qu'un rasoul ou un kadhib, yani fi ba'd. Ou yakuluna nu'minu bi ba'din, wa nakfuru bi ba'din. Ou yariduna an yattakhidu bayna dhalika sabila, ulaika humul kafiruna haqqa. Ils choisissent ce qu'ils veulent et ils délaissent ce qu'ils veulent. Fahada khatir. Kadhalika. البغض وهذه الأشياء يعني النفاق الاعتقادي في الحقيقة c'est une chose qui n'est pas difficile à comprendre à partir du moment qu'il met en apparence la foi et qu'il dissimule la mécréance et il dissimule la mécréance ensuite les actes de mécréance yani dissimulés dans le cœur il y en a plusieurs في الحقيقة lorsqu'il y a 17 أنواع on peut en rajouter yani énormément لكن والله أعلم il a voulu par là que ces أنواع là c'est sur lesquels repose yani généralement un nifaq que les gens ils nafaquent et c'est la mécréance qu'ils dissimulent dans les cœurs elle repose généralement sur ces 6 catégories là je crois que j'oublie j'avais dit parce qu'il avait tiré cette parole là de la parole de Cheikh al-Islam rahimahullah attends je retrouve la page on disait que ce sien noir là qu'il a évoqué hadi il les a wallahu a'lam yani istafadaha من الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال كما في مجموع الفتاوى المجلد 28 الصفحة 234 volume 28 page 234 et كذلك dans جامع الرسائل يعني dans plusieurs ouvrages. فقال رحمه الله تعالى ابن تيمية فقال فمن النفاق ما هو أكبر ويكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. Et il dit parmi le nifaq, il y a celui qui est akbar. Comme on appelle le nifaq al-i'tiqadi, et on peut l'appeler aussi kadalika al-nifaq al-akbar. Kilahuma c'est bimana wahid. N'am. Comme le shirk et le kufr. Qala yakun sahibuhu fi ad-dark al-asfali min an-nar. Et celui qui aura œuvré de cela fera partie des gens qui seront dans les derniers palais de l'enfer. Qala ka nifaq Abdullah ibn Ubay wa ghayrihi. Qui était une tête qui est parmi les munafiqs. Bil Medina. Il faut savoir que à l'époque de Rasoul salawatullahi wa salamu alayhi, à Mecca il n'y avait pas de nifaq. À Mecca, lorsqu'ils avaient la puissance, on va dire qu'ils avaient la dola, donc là ils n'avaient pas de comment ça s'appelle, d'utilité de faire du nifaq, parce qu'ils étaient en force et les muslimoun ils étaient mustada'afoun. Lakin lorsque intaqala ila al-Madina wa hajara ilayha alayhi sallatu wassalam, que تكون له دولة وشوكة, il a eu, comment s'appelle, un gouvernement, on va dire, que les gens l'ont respecté et l'ont défendu. Farahona, fil Medina, ils n'avaient pas autre choix que le nifaq, yani al-kufar. Car si jamais ils mettaient en apparence, yani al-kufr, ils étaient exposés au hadith Ibn Umar radiallahu anhuma, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah wa yuqimu salat wa yutu zakah. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Donc là ils n'avaient pas le choix. Si jamais ils mettaient en avance al-kufr, ils restaient dessus, ils s'entêtaient. Donc là voilà, c'était comme si jamais ils avaient annoncé une bataille contre al-jaysh al-muslim. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait certains? Ils ont mis en avant al-nifaq. Ils ont mis en avant al-nifaq. نعم. فعبدالله بن أبي هذا كان بالمدينة. أما في مكة il n'y avait pas de choses qu'on appelle al-nifaq, c'était le kufr as-surah, c'était la mécréance, l'istihza. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadha shay'un ajib. Hadha shay'un ajib. Fa ils étaient en force, il n'y avait pas de nifaq. قال بأن يظهر تكذيب الرسول. Donc là il va évoquer certains des anwa. C'est pour ça que ces anwa là, en fait, c'est pas al-sabil al-hasr. C'est pas pour dire que c'est limité à ces catégories là. Il y en a plus, tu vois. Lakin je pense qu'il a déduit de ce texte de Cheikh al-Islam et puis il s'en est suffi. Malgré qu'il en a rajouté un peu plus. قال رحمه الله تعالى قال بأن يظهر تكذيب الرسول. Il le dissimulait, lakin Allah subhanahu wa ta'ala il a faddahahu, il a dévoilé ce que les poitrines se cachaient. Parmi cela, takdhib ar-rasul, il démentait le prophète alayhi salatu wassalam. Qala aw juhud ba'd ma ja'a bih yajhad, c'est-à-dire yakfur, yuhud ma ja'a bih, aw juhud ma ja'a bih. Qala aw bughdahu, il déteste, comme on a pu voir, troisième point. Qala aw 'adam i'tiqadi wujub ittiba'i, il voit qu'il ne mérite pas d'être suivi. Il dissimule ça dans son cœur et Allah subhanahu wa ta'ala il le dévoile. Qala aw al-musarrah bin khifadhi dinihi, ou bien ils sont réjouis de voir que l'islam il est affaibli lorsqu'il perd une bataille et tout ça. Ils sont réjouis. Qala aw al-musa'a bi dhuhur dinihi, ou l'axe, lorsque l'islam est secouru et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire aux musulmans, il laisse apparaître qu'il n'aime pas cela, qu'il déteste que l'islam soit secouru. Qala wa nahwa dhalika, et c'est ça qui est bien, tu vois, à la fin. Il dit wa nahwa dhalika pour te dire que c'est pas juste au nombre de 6. Wa nahwa dhalika, et parmi les choses qui font partie des mécréances, akbar. Fa an-nifaq al-i'tiqadi, il est basé sur le al-kufr al-akbar. C'est pour ça qu'il avait évoqué dans anwar al-kufr, kufr al-nifaq. Parce que le nifaq al-i'tiqadi, il est basé sur un naqid min nawaqid al-din. Il est basé sur un annulatif de l'islam. قال ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله. Donc il a ramené un bon d'arbitre à la fin. Il a dit ou bien autre, yani, parmi ces choses-là, dont si la personne fait cela, ça prouve que c'est un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y en a pas que 6. Al-Muhim. Ce texte-là, yani, c'est un texte qui est important de Cheikh l'Islam rahimahullah, qui montre que ces 6 catégories-là sont pas à la sabil al-inhisar. Lakin, il y en a beaucoup plus. Et c'est quoi le droit bit, la norme? C'est que c'est tout acte, yani, qui fait sortir l'Islam. Tout qui est une mécréance, yani, que ces personnes-là dissimulent dans les cœurs. Non. Donc ça, c'était par rapport au kufr, plutôt nifaq al-i'tiqadi, qu'on peut appeler كذلك nifaq al-akbar. قال رحمه الله تعالى قال النفاق العملي. Donc on peut l'appeler, par compréhension du texte de Cheikh al-Islam رحمه الله تعالى, النفاق الأصغر. النفاق الأصغر. نعم. النفاق العملي. Pourquoi on appelle ça النفاق العملي؟ لأنه منصوب إلى العمل. Il n'est pas منصوب إلى القلوب, إلى الاعتقادات. Ce نفاق là, ce genre de نفاق là, il est affilé aux œuvres, yani aux apparentes, et pas aux œuvres qui sont quoi, yani dissimulées. C'est pas dans le cœur. Lakin, c'est des œuvres qui sont en conformité avec ce que faisaient les munafiqs. Parce que al-nifaq, il a des alam. Al-nifaq, il est dans le cœur. Lakin, il a des alam. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: "Ala inna fil jasadi mudghatan. Idha salaha salaha al-jasadu kulluhu wa idha fasada fasada al-jasadu kulluhu." ولا شك ولا ريب في أن قلوب المنافقين سانقلب كفاسد كاسد. Et c'est obligé qu'il laisse, yani, apparaître, yani, des amals qui sont khabitha, des amals qui sont khabitha. Donc yani, même si jamais il dissimule cette mécréance qu'il y a dans les cœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait apparaître sur leurs membres et sur l'al-lisan. Pourquoi? Parce que le qalb, lorsqu'il est fasid, les membres et la langue qu'il y a dans les cœurs, elles sont fasid. Donc il y a des alamas, t'as qui sont, qu'on peut retrouver à travers les membres et la langue de ces munafiqins. Et Nabi Sallam, il appelait ça du nifaq parce que c'est une ressemblance avec les munafiqins. Il y en a de peur que cette personne-là, qui d'apparence, il y en a fait les mêmes actes que ceux des munafiqs, on a peur que, il y en a, on retrouve kadhalika le nifaq qui est dans ce qalb-là. Parce que ce genre de d'œuvre-là, il y en a à la sabil et l'istimrar. Il y en a sur une continuité, on les trouve que chez les munafiqs. Il va les évoquer, yani, certains des halamat, yani, qui sont wahira, qui sont les plus apparentes, yani, chez les munafiqs, que tu trouves chez tout munafiq. Naam. Fa ha huna, nifaq al-amali, c'est pas du kufr. Ça fait pas sortir de l'islam. Lakin, c'est une kabira min al-kaba'ir. C'est un péché, un grand péché parmi les grands péchés. Lakin, qui ne fait pas sortir de l'islam. Et ça, c'est bilijma'. Kamana qalahu l'imam, an-nawi rahimahullahu ta'ala, par rapport au hadith, arba'u man kunna fihi, كان منافقا خالصا. يعني quatre choses qui, lorsque elles sont réunies chez une personne, on peut juger de lui que c'est un munafiq, yani khalis, c'est-à-dire que il ressemble, yani, parfaitement à un munafiq, lakin qui n'est pas un kafir. Parce que ça, c'est bilijma', yani l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala l'a évoqué. Ce qui est voulu par ici, c'est an-nifaq qui est al-asghar al-amali. Naam. فقال رحمه الله قال اجمع العلماء على ان من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر. Il a dit rahimahullahu ta'ala, les ulama sont tous unanimes que à partir du moment où la personne a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulih bil qalb wal lisan, on retrouve une conformité dans les cœurs et sur le lisan, yu'min billahi azza wa jalla, il n'y a pas de nifaq dans son cœur. Lakin, on voit, yani, à travers ses membres qu'il œuvre, yani, des œuvres, yani, comme on a pu voir, qui se retrouvent chez les munafiqs. Il dit celui man fa'ala hadhihi al-khisal, qui va évoquer hahuna, il dit la yuhkam alayhi bi kufr, on peut pas juger de cette personne là que c'est un kafir. Donc là, on peut pas prendre l'acte qui est un acte qui fait partie des kaba'ir, des grands péchés, on peut pas le prendre, l'acte apparent, pour juger de la mécréance qu'il y en a qui est dans les cœurs, comme le font, il y en a certains des al-khawarij. Ils jugent, il y en a, par l'apparence, pour dire que le qalb, il y en a fihi kufr. Ça, tu peux pas le faire. Ça, c'est impossible. Excepté si jamais l'œuvre, c'est une œuvre, yani, qui fait sortir l'islam. Amma in kabira, un grand péché, même si jamais c'est faire al-sabil al-istimrar ou al-mujadala, on ne peut pas se permettre de dire ce grand péché-là prouve que cette personne-là a du nifaq, yani i'tiqadi dans le cœur, ou bien un aqid min nawaqid al-islam dans le cœur. On ne peut pas prendre l'apparent pour juger, yani, du cachet. C'est impossible. C'est-à-dire que tant que cette personne-là ne dira pas yani, ouvertement que c'est un munafiq, que en vérité il y a du kufr yani, dans son qalb, ou bien qu'il fasse une œuvre yani, qui le fait, yani, une œuvre apparente yani, qui le fait sortir de l'islam, dans ces deux cas-là, on pourra juger, mais sinon on ne peut pas juger d'une affaire d'une personne. Donc ça, il faut faire attention. On ne peut pas prendre du zahir les hukm ala al-batin. On ne peut pas faire cela. Lakin, al-aks, sahih, yani. C'est clair et net que celui qui a du kufr dans le qalb, on va retrouver qu'adaka fil jawarih al-kufr. Lakin, l'inverse, c'est pas lazim. C'est pas lazim. Donc ça, c'est important. Et haouna, dans le hadith, on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a jugé de ces personnes-là et les a appelés, les a nommés munafiq. Donc ça prouve qu'une personne qui fait un péché, après qu'il sait que cette chose-là, c'est un péché, et continue à le faire, et ben on le juge par rapport au degré de ce péché-là. Si c'est du nifaq, munafiq. Si jamais c'est du kouf, on dit kafir. Si jamais c'est du inbidra, on dit mubtadir. Si jamais c'est un fasiq, on dit fasiq. Et là, akhirihi. Faqala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala munafiqan khalisan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choubha, il n'y a pas de doute que cette personne-là ressemble fortement à des munafiqs, à des hypocrites. Fahahona, il les appelait hypocrites. Lakin, inshallah, comme a dit Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, hadithun nas bima yafhamoun. Al-an, si jamais tu dis munafiq à une personne, il pense directement c'est nifaq al-akbar, yani qu'il est sorti de l'islam. Donc, yani, il faut savoir peser ces mots. Et les utiliser et les employer avec les bonnes personnes, celles qui comprennent. Celles qui comprennent. Fahahona, il y en a celui qui vient, il prend le hadith et dit, regarde, pourquoi je ne dirais pas munafiq à cette personne-là, alors que le prophète, alayhi sallam, il a évoqué. Et ce n'est pas du kufr. Il a évoqué qu'on dit de ces personnes-là que ce sont des munafiqoun. Yani, khullas akhah. Donc, yani, qu'est-ce qui m'en empêche? On dit, hadith al-nas bima yafhamoun. Kama qala, Ali ibn Abi Talib. Fa'awala, c'était les compagnons du prophète, alayhi sallam, wa la shakwara yafi, ils ont connu ce genre de hadith-là. Malgré cela, il a dit, il y a des gens à qui on ne peut pas se permettre d'évoquer ce genre de propos-là de cette manière-là. Donc il faut faire preuve de hikmah, yani, fait da'wah. Après qu'il ait compris, na'am la basbihi. Tu lui dis, c'est munafiq, lakin qui ne fait pas sortir de l'islam. Et comme tu as une grande ressemblance avec ce genre de personnes-là par rapport à tes œuvres, c'est pour ça qu'on peut même se permettre, yani, de te juger comme étant un munafiq, lakin qui n'est pas sorti de l'islam. Na'am. Fa hada muhimun jiddan. Fa hada, ça ne fait pas partie des choses qui font sortir de l'islam. Naam. فقال بعد ذلك قال انما هي خصال نفاق صاحبها شبيه بالمنافقين متخلق باخلاقهم. فقال النووي, il dit ce qualificatif là, yani c'est du nifaq, et celui qui fait cela est ressemblant au munafiq et a le même comportement que al munafiq. Naam. الى اخر الكلام من كلام الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح المسلم par rapport au hadith là qui va venir. نعم. وقال العلماء رحمة الله عليهم que ce genre d'appellation là munafiq, on ne peut l'employer que pour une personne dont yani son comportement yani est ghalib alayh, c'est-à-dire yani on retrouve yani fortement ces caractères là, ces sifats là, c'est cette personne là da'im bihi. نعم. Tout le temps il fait ce genre de, on retrouve le kadhib chez lui, on retrouve yani al-ghadar yani chez cette personne là, al-fujur yani parmi les alamat qui sont à venir, yani à son ghalib alayhi, la majorité du temps on le retrouve chez cette personne là da'iman maha. Enfin, ce genre de personne là, ce sont ces personnes là qui on peut dire munafiq yani, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, une personne yani qui l'a fait une fois, hein, lakin c'est pas sa ada, c'est pas son habitude. Lakin, il est tombé dedans comme n'importe quelle personne peut tomber dans un péché. On ne peut pas venir et dire hada munafiq. Munafiq ahuna, celui qui a comment s'appelle une ressemblance avec les al-munafiq, ceux qui sont sortis de l'islam, c'est ceux dont yani c'est da'im indahum. C'est une habitude chez eux de retrouver ces fêtes-là. Hada kazalika san tanbih muhim. Kana munafiqan khalisan, et pour celui dont c'est une habitude de retrouver ces sifat-là chez lui. فَهَذَا هُوَ الَّذِي بَعْدَ الْبَيَانُ وَبَعْدَ الْفَهْمُ, que tu peux dire de cette personne-là et de juger que c'est un munafiq, yani qui a une grosse ressemblance avec les al-munafiq qui est le nifaq et l'i'tiqadi. نعم. ثم نقل يعني ذكر كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى, qui évoque yani qu'il y a une différence entre le nifaq العملي والنفاق الاعتقادي. فقال رحمه الله تعالى: إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق عمل. نفاق عمل. Donc là, l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, c'est un des, peut-être des premiers parmi les salaf qui a évoqué cette catégorie-là. Fa al-nifaq al-amali, ça c'est une appellation qui n'est pas nouvelle. C'est une appellation qui est connue auprès des salaf. Wa min dhalika l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala. Donc, par conclusion, al-nifaq al-amali, ça c'est une appellation qui est connue auprès des salaf. Wa, c'est quoi le murad de nifaq al-amali indahum? C'est la ressemblance avec les munafiqs. C'est l'œuvre, yani, c'est les œuvres qu'on trouve, yani, généralement chez les munafiqs. C'est les piliers du nifaq, yani, chez les munafiqs, les piliers de leur hypocrisie, sur lesquels ils ont basé leur hypocrisie. Et les signes, yani, qui sont apparents chez ces personnes-là. Ces signes apparents sont les fruits du nifaq qu'on retrouve dans leur cœur, comme on a pu le voir, parce que leur cœur est facide. Leur cœur est pourri, donc on va retrouver. Car dans les cas des œuvres, yani, qui sont khabitha. Et parmi ces œuvres-là, celles qui sont évoquées dans le hadith, de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des preuves évidentes que ces personnes-là ressemblent à munafiq, que cette personne-là ressemble à munafiq. Et ça, c'est pour la personne dont c'est l'habitude de trouver ce genre de ces fêtes-là. Naam, hada huwa al-khulasa fi dhalik. Al-nifaq al-amali, la définition, il y en a certains des ulama, ils ont donné une définition. Faqala l'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala qala huwa tarku al-muhafadati ala hududi umuri ad-din sirran ومراعتها علنا. فسي يعني خطير جدا في الحقيقة. قال هذا يسمى نفاقا دون نفاق. نعيد. قال البغوي رحمه الله تعالى كما في شرح السنة le premier volume la page 76. فقال رحمه الله تعالى النفاق العملي قال هو ترك المحافظة على حدود أمور الدين سرا ومراعتها علنا. هذا يسمى نفاقا دون نفاق. Comment on va traduire ça? C'est pas évident d'entendre. Tork al-muhafadah ala hudud et umur al-din sirra. En fait, c'est une personne. Je vais de la traduire comme ça, yani, dans son sens, yani, général. C'est une personne qui, lorsqu'il est en public, tu le vois faire des œuvres qu'il ne fait pas lorsqu'il est tout seul. Et ça, c'est khater fi haqiqa. Yani, c'est pour ça que t'auras al-sahaba kana yakhafuna ala anfusihim al-nifaq. Quand tu comprends la définition de l'imam al-Baghawi, tu comprends pourquoi ils avaient peur à aller enfoncer bin nifaq. Ils avaient peur à aller enfoncer bin nifaq. Parce que tu retrouves des fois, il y a un certain achat. Lorsque tu es en public de faire des œuvres, tu vois un tel faire ceci, un tel faire cela, ben tu as un achat. Mais ce achat-là, on ne le retrouve pas à la maison. Lorsque tu es tout seul. La personne peut se poser des questions. Qu'est-ce qui me pousse à faire des œuvres en plus, lorsque je suis en public et lorsque je suis à la maison, lorsque je suis tout seul, je ne retrouve pas ces œuvres-là. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, si cette personne-là, elle est sadiq, c'est-à-dire que lorsqu'elle est en groupe, le groupe, yani, le shadja', le pousse à faire des œuvres. Parce que, mathalan, yani, ma'rouf, yani, salat al-jama'a, comme ils ont évoqué les ulama, yani, min fawa'idiha, c'est que ça t'aide à être assidu à la prière. Alors que si jamais Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait légiféré la salat, la kinfil bouyout, il y aurait des gens qui auraient eu du tekassol, de la négligence et de la paresse. La kin, le fait que ce soit fait en jama'a, ça aide. Ça aide à être, comment ça s'appelle, à endurer dans cette œuvre-là. T'as, si jamais c'est min had al-ma'na, inshallah, tabaraka wa ta'ala, allait être le fait. La kin, si jamais c'est min bab, pour que les gens y disent, quand on revient un peu ria, pour que les gens ils disent masha'Allah, et lorsqu'elle est à la maison, là il n'y a plus de gens, donc il n'y a plus de maître, il n'y a plus de compliments, donc on ne retrouve plus les œuvres. Ça voudrait dire que cette personne-là œuvre pour cette personne-là, pour les personnes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on trouve les compliments, on trouve les œuvres. Et lorsqu'il n'y a plus de compliments, on ne trouve plus les œuvres. Et ça c'est khatir. Quant à les cas, parmi les alam des munafiqin, c'est ar-riya, l'ostentation. La base de leur al-nifaq, il est basé sur ar-riya. Quant à les cas, il y en a parmi les choses, comme l'a évoqué Cheikh d'Islam, et d'autres, il y en a par rapport à ces nawaqid. Parmi cela, ar-riya, inna al-munafiqina yukhadi'un Allah, wa huwa khadi'uhum, wa idha qamu ila salati, qamu kusala, yura'una al-nas, wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yura'una al-nas, c'est-à-dire qu'ils font de l'ostentation envers les gens. Pourquoi? Parce que eux, aslan wa faslan, ils n'ont pas cru en Allah, azza wa jalla, lakin, pour que les gens ils disent, ce sont des mu'min. Donc ils sont obligés de faire des œuvres, yani, pour que les gens disent ces paroles-là. Ils sont mu'min. Donc ils recherchent, yani, à travers les gens, cette parole-là. Mashallah, ce sont des mu'min. Donc ils œuvrent, yani, pour ces œuvres-là, pour ces paroles-là, pour ces compliments-là. C'est basé sur l'ostentation à Riyah, lakin, ça c'est l'akbar, parce qu'ils recherchent à travers ces œuvres, yani, le compliment de ces personnes-là. Ils ne recherchent pas Allah Azzawajal. Amal muslim, il fait l'œuvre pour Allah Azzawajal, lakin, il recherche, yani, à travers cette œuvre-là qu'il a fait pour Allah Azzawajal, certains des compliments. Fait le fait, haqiqa, ça c'est khatim jiddan, kema qala. Tarku muhafaza ala hudud umuri ddin sirra. Lorsqu'il est tout seul, il n'a plus d'endurance, il n'y a plus de continuité dans les œuvres, il n'est plus assidu. Et lorsqu'il est en public, yura'iha, il les observe, il fait attention. Fahada fil haqiqa, yani al-insan la buddha'ash, il yas'al nafsahu. Al-kayyis, qala al-Nabi sallam, man dana nafsahu. C'est-à-dire celui qui est intelligent, on va dire. C'est celui qui se fait une autocritique. Tous les jours, il se fait un bilan. Il juge sa personne. Comme a dit بعض العلماء, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Jugez-vous avant d'être jugé. Il se fait une autocritique. Il regarde, yani, ses œuvres. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Ceci, cela. Fait le haqiqa, ça, c'est une chose dans laquelle yani, l'insan, si jamais il fait attention, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yunadjihi min ar-riya. Allah subhanahu wa ta'ala, il épargne de tomber dans l'ostentation et dans riya. Parce qu'à chaque fois qu'il va faire des œuvres en public, il va vouloir les faire kadalekesh en privé. Pour se mettre un dalil à la nafsihi. Pour qu'il ait une preuve, yani, sur laquelle il s'accroche pour dire je ne suis pas munafiq, yani, envers sa personne. Il a une preuve sur laquelle il s'accroche et dit alhamdulillah, ce que je fais à l'extérieur, je le fais kadaleka à l'intérieur. Je le fais kadhalika à l'intérieur. Fa al-insan la budda yas'al nafsahu, qui regarde dans ses œuvres afin d'avoir un parfait équilibre, inshallah. À l'intérieur, en public comme en privé, on doit retrouver la même personne. Rien ne change parce que il adore Allah azza wa jalla comme fi al-hadith. Al-ihsan an ta'buda Allah ka annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Enfin, celui qui a dans le cœur cette ma'ani là de l'ihsan en public ou bien en privé, ça ne change rien pour lui parce qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il observe. Donc il fait la même chose en privé qu'en public. فهذا مهم جدا. النفاق العملي في الحقيقة كما قال أبو عارية قال أدركت 30 من الصحابة كلهم يخافون على أنفسهم النفاق. Tous sans exception, ils avaient peur du nifaq. Par rapport à cette ma'na-là comme on l'a évoqué, à l'imam al-Baghawi, parce que l'insan il peut être amené à avoir certains yani un ضعف. Donc il a peur, tu vois, il se dit, est-ce que c'est pas du nifaq? La shak wa la raib fi, haoula c'était pas des munafiqs, lakin, il y a une interrogation. Ah, j'ai fait ça en public, j'ai pas fait ça en privé, est-ce que c'est pas du nifaq? Donc il va essayer de dissiper ce genre de wasawis là. Fa l'insan, si jamais, la yakhaf ala nafsihi, ça c'est le khatar. Ça c'est le khatar, comme on a pu voir. Tahqiq al-tawhid, ça implique d'avoir peur du shirk. Celui qui a pas peur du shirk, qui ne se pose pas des questions sur le shirk, il a fait rafla. Dans une insouciance, il y en a flagrante. Fanas Allah Azza wa Jal, at-tawfiq wa salat. Naam. Faqala, rahimahullah ta'ala, qala an-nifaqu al-amali. Fa'al-an, alhamdulillah, fahimna ma huwa an-nifaq al-amali. Qala an-nifaq al-amali, khamsatu anwa'. Donc il a 5 catégories. Et comme on a pu voir, kathalika, ces catégories-là ne sont pas munhasira. Si jamais tu prends surat al-tawbah, et que l'insan, yani, il extrait, il en déduit de cette surah-là, les alamas, les signes de nifaq, ils vont en sortir beaucoup plus que cela. C'est pour ça que les ulama, ils ont écrit des livres par rapport à ça. Comme sur le nifaq. Et le dernier en cours, celui de Sheikh Jamil, rahimahullah, hafizahullah ta'ala, Sheikh Jamil, il a un livre sur le nifaq. Et il évoque, yani, les alamas du nifaq, il y en a plus de, je sais plus combien, une cinquantaine, tu vois. Une cinquantaine. Non, donc, yani, c'est pas. Yani, c'est pas simplement 5. Lakin, haoula, comme on a pu voir, c'est les piliers. C'est-à-dire que al-munafiq, al-i'tiqadi, al-kafir billahi azza wa jal, dans son cœur, yani, il a le nifaq. Et généralement, c'est ces œuvres-là qu'on va retrouver. Ces 5 qui ont été évoqués dans le hadith. On va lire, inshallah, les deux hadiths. On va lire le texte, ensuite, on va revenir sur le hadith. Qala, rahimahullah ta'ala, qala, al-nifaqu al-amali. Qala, al-nifaqu al-amali, 5 anwa'. قال والدليل قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان قال متفق عليه قال في رواية إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر كذلك متفق عليه نعم لكن يدى ألفاظ يعني كي شانج دوزن دي فيرسيون في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا donc il y a quatre choses quatre sifah caractère que lorsqu'on va retrouver chez une personne on va dire que c'est un munafiq khalis yani qui a une forte ressemblance avec le munafiq قال ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها et la personne chez qui on va trouver une de ces sifah là aura une des sifah parmi les sifah de munafiq des nifaq lakin ça veut dire que yani lorsqu'on ne trouve que qu'une seule comment s'appelle khasla on ne peut pas dire que cette personne elle est munafiq pour dire que c'est un munafiq et shabih bil munafiqin il faut retrouver ces quatre yani sifat qu'a cité Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala arba'u man kunna fihi quatre sifat lorsqu'elles sont réunies chez une personne kana munafiqan khalisan et celui à qui on va trouver une sifat parmi ces sifat là qui sont citées qala kanat fihi khaslatun min an-nifaq il aura un sifat de munafiq lakin on ne dit pas que c'est un munafiq yani khalis قال حتى يدعها قال إذا أتوا من خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاسم فجر نعم et l'autre version آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من خان donc là lorsqu'il s'est dit آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من خان ça c'est dans le Bukhari et dans Muslim. Muslim, c'est le numéro 59, et le Bukhari, c'est le numéro 33. Lorsqu'il dit Ayat al-Munafiq, Thalath. Donc là, par rapport au texte, le premier qu'il a cité, le premier hadith qu'il a cité. Celui-là, dans Bukhari ou Muslim. 59 pour Muslim, et 33 pour l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Et l'autre, lorsqu'il a rajouté les deux, Iza khasama fajar, ou Iza ahada ghadar, dans le Bukhari, donc 34, et dans Muslim 58. فقال آية المنافق ثلاث آية بمعنى علامة للسين. تمام آية بمعنى هنا علامة للسين. يعني flagrant qui sont évidents. المنافق كما on a pu voir يعني الذي يظهر الخير ويبتن الشر ثلاثة قال إذا حدث كذب ثلاثة بمعنى أركان qui sont trois piliers. C'est pas comme on a pu voir qui sont juste au nombre de trois. لكن qui sont les piliers يعني de النفاق العملي les piliers du nifaq al-amali les piliers des signes apparents qu'on retrouve chez les munafiqs qui ont un nifaq qui est i'tiqadi قال اذا حدث كذب parce que là c'est la même chose yani al-an c'est du nifaq هذا lorsque il te raconte une chose toi tu penses que c'est quelqu'un qui est sadiq c'est-à-dire qu'il se met sous l'apparence de la personne qui est sadiq bil-lisan une personne qui est véridique et en vérité il te ment Donc c'est-à-dire qu'il met en apparence le khair qui est as-sidq, la vérité, et il dissimule le mensonge. C'est pour ça qu'on appelle ça nifaq. Parce que là, il est en train de faire apparaître un bien, et en vérité, l'on dissimule un mal. Ce bien-là dissimule un mal. Idha haddatha kadhab. Lorsqu'il te parle, tu penses qu'il dit la vérité, lakin yakzib. Et muta'ammidan. Quand on parle de ça, c'est muta'ammidan. Ama celui qui te dit une chose, et qui pensait que c'était cela, et fait le haqiqa, c'était faux. Lakin ne savait pas, il s'est trompé, ça rentre pas dedans. Là, ce qu'il voulait ici, c'est celui qui est Ahmed. Celui qui sait, lorsqu'il est en train de te parler, il sait qu'il est en train de te mentir en vérité. Lakin te fait croire qu'il est en train de dire la vérité. Fahda huwash, alladhi indahu un signe évident. Parmi les signes des munafiqs. Idha haddatha kadab ay mutaammidan haliman. Tout en sachant, et il le fait volontairement. Fahda a'udhu billah, c'est une tromperie, yani. قال واذا وعد اخلف كذلك lorsqu'il promet il tient pas ses promesses اذا وعد اخلف lorsqu'il promet il ne tient pas ses promesses et là كذلك اي يفعل ذلك متعمدا volontairement à main on se donne rendez-vous et ensuite je peux pas venir je t'ai donné une promesse que j'allais venir ensuite je peux pas venir parce que j'ai eu un empêchement parce qu'il y a eu un accident هذا ça rentre pas dedans parce que كما قال سبحانه وتعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين on ne peut que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala j'ai voulu lakin Allah Il y a fait que ça ne s'est pas fait. Ça ne rentre pas dedans. Mata'ammada. Lakin, c'est la personne qui te promet une chose et au fond de son cœur, en vérité, il sait directement qu'il ne va pas tenir sa promesse. Lakin, histoire de tenir un beau discours, ceci et cela. Lakin te dit des paroles, oui, Inch'Allah, demain on se voit et en vérité, il ne viendra pas. Au moment où on est en train de te parler, il ne viendra pas. Lakin t'a promis cela juste bil-lisan, lakin n'est-ce pas bil-qalb. Il n'est pas sincère au niveau de son cœur. Au moment où il te promet cette chose-là, il sait qu'il ne viendra pas. Lakin il te la promet comme ça. Ça rentre un peu dans le kadib. Ça rentre un peu quand le cas dans le kadib. Naham. Fahad, c'est celui qui est. Qui est shabib bil-munafiq, qui ressemble au munafiq. Alladhi fa'ala dhalika mutahammilan 'aliman. Anahu sayukhlif al-wa'd. Qui ne va pas tenir sa promesse. Qala wa idha tu min khan. Et lorsqu'on. Tu min khan. Ça peut rentrer ça dedans. Il y en a une personne qui montre une apparence d'une personne à qui on peut faire confiance. Tam. Loyal. Voilà, loyal. Tam. Il se fait passer pour quelqu'un de loyal. Au fil haqiqa, c'est un traître. Tam. C'est-à-dire qu'il met en apparence cette sifala de la loyauté. En vérité, c'est le plus grand des traîtres. Ou kadalika, tam. Ça rentre dedans. Il y en a lorsque tu le confies une chose. Il te dit, oui, je vais bien la garder, je vais bien m'en occuper. Et au fil haqiqa, il sait directement que lorsque tu vas lui tourner le dos, il va l'utiliser à mauvais escient et ceci et cela. Ça, c'est le fait d'être, de ne pas être loyal, tout simplement. La trahison. Tout ça, ça rentre dans le même babit, la même norme qui est de faire apparaître une chose et de dissimuler une autre. Qala fi riwayatin iza khasama fajar. Iza khasama. يعني بمعنى المخاصمة c'est la polémique, le débat. إذا خاصم فجر أي خرج عن الحق. Lorsque il polémique avec toi, son maqsad c'est pas de chercher la vérité. إذا خاصم فجر, sa مخاصمة le fait sortir du حق. Il ne cherche pas la vérité, il cherche à ce que يعني il prend le dessus sur toi dans le débat. Que ce soit lui qui sort vainqueur du débat. C'est-à-dire qu'il se fait passer pour celui qui est nasih, le conseiller, celui qui veut faire triompher la vérité, ou fait le haqiqa, il veut faire triompher sa personne. Sa niya, c'est que c'est lui qui triomphe. C'est-à-dire que si jamais toi tu vas venir avec des preuves qui est un peu plus, qui vont montrer que la vérité est avec toi, il va jouer avec ces preuves-là. Pourquoi ? Parce que lui, fil haqiqa, il cherche pas la vérité. Si jamais il peut triompher et faire triompher la vérité, alhamdulillah indahu. Lakin aham mouché, c'est que c'est moi qui triomphe. C'est-à-dire que même si jamais tu viens avec des hujja qui sont qawiyya, je vais venir et je vais essayer de faire tout pour que ce soit moi qui ait la fin du mot, je sais plus comment on dit ça, man. Le dernier mot. Le dernier mot. Le dernier mot. Exactement. Ça c'est wadihun jiddan jaliyun fihim sin alama min alamat al-hizbiyyin. Ils cherchent pas le haq parce que al-hizbiyya. Al-hizbiyya est basée sur quoi? Comme il a dit Cheikh Maqbil, rahimahullah. Elle est basée sur le wala wal bara adayyiq. Un hizbi, on peut pas trouver une hizbiyya sans wala wal bara adayyiq. C'est-à-dire que l'alliance, elle est restreinte. Elle est pas pour Allah Azza wa Jal, il y en est totalement. Il y en est un peu pour lui. Celui qui m'aime, celui qui me secourt, celui qui me fait des compliments, il est avec moi, yani, c'est mon allié. Celui qui est contre moi, contraire à moi, celui qui montre mes erreurs, فَهَذَا هُوَا بَرِئُ مِنِّي. Je me désavoue de cette personne-là. Pas pour Allah, عز وجل, mais pour moi, par ma personne. فَهَذَا كَذَلِكَ. À partir du moment où sa personne elle n'est pas secourue, donc il va faire tous les mustahil, tous les impossibles, pour prendre le dessus sur cette personne-là, même si jamais il faut, des fois, yani modifier les textes viennent de la personne avec qui il fait le débat, ou bien peut-être le pousser jusqu'à mentir, comme on a pu voir avec Cheikh Rabia, jusqu'à dire que le athar d'Abdullah ibn Shaqiq, que personne n'a rendu yani da'if excepté lui. Kan ashabu Muhammadin la yaruna min al-a'mal taqahu kufrun ghayra salah. Lorsqu'il a vu que lui, parce qu'il pense que celui qui est tarak as-salah yani c'est pas un kafir yani. Donc lorsqu'il a vu que cette preuve-là, là, elle était contre lui, subhanallah, elle n'est pas contre lui, c'est un texte, yani on cherche la vérité, et on se positionne d'un côté dans, où triomphe la vérité. Yani. Donc lorsque lui, il était fixé sur sa position-là, et qu'il voulait dire que non, la vie qui est sahir, c'est que tarak as-salah, yani, c'est pas un kafir, malgré que chacun pense qu'il va, tu vois. Lakin, il a voulu imposer son point de vue. Non, ton dalil qui était venu avec... qui présente l'ijma, ce hadith-là, plutôt ce athar-là, il est daïf. Tu regardes l'athar, personne l'a rendu, comment on s'appelle, daïf. Et si jamais quelqu'un qui a étudié, ne serait-ce que l'Ikhtisar al-Ulum al-Hadith de Sheikh l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il peut se rendre compte par lui-même que Sheikh Rabi', il a dévié. Il peut se rendre compte, yani, mi'a bil-mi'a, que akhadathu l'hawa dans cette mas'ala-là. Et une autre mas'ala, kadhalika. Beaucoup de hadiths, hein, Ibn Raz, Hisham al-Mughaz. Hisham al-Mughaz, yani, ana, ta'ajjabtu. Je l'ai même traduit parce que j'étais tellement wadih que je me suis dit, subhanallah, yani. Qu'est-ce qui manque après cela, yani? Pour montrer aux frères de France que voilà, yani, Cheikh Rabi', c'est quelqu'un de qu'on respecte. Lakin, là, les frères, il faut ouvrir les yeux. Le Cheikh est en train de changer. Il y a quelque chose qui va pas là. Non, rien contre Cheikh Rabi', lakin, nous on parle par rapport à la vérité. Et là, on a vu que là, il est sorti du haq. Iza khasama fajar, hadha huwa. Lorsqu'il est polémique, il sort du haq, de la vérité. Pourquoi? Pour faire triompher sa personne. A'udhu billah. Naam, ça c'est khatir jiddan. كان يقول أحد الصحابة فقال وأعوذ بالله أن أكون عند الناس كبيرا وعند الله صغيرا. Je cherche le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal d'être auprès des gens, yani, honoré, immensifié, et lakin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala je suis rien. Vous recherchez l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pas les gens. Naam. فهذا خطير جدا. هذا خطير جدا. Et si tu creuses, ça peut aller très loin, tu vois. قال واذا عاهد غدر. Ça se rend un peu dans اذا تو من خان. Cette قطعه là pour les حسين. هؤلاء c'est اصحاب الغدر. C'est-à-dire que lorsqu'ils font des trêves, ils signent des papiers et هؤلاء ils tiennent pas leur parole. Ils signent des pactes, comme l'a dit Cheikh Yahya, lorsque un حوثي te dit voilà, on signe un acte de paix, المهم, c'est pour réviser sa tactique pour mieux t'attaquer. En gros, on fait une petite pause là parce que bon, la tactique qu'on a mis en place, ça marche pas. Donc on va mettre une petite pause, on va la réviser, on va vous attaquer yani, de mieux, inshallah. Et fait le haqiqa, voilà, c'est pas ça qu'ils recherchent, c'est pas la paix qu'ils recherchent. Là, qui nous recherche, il y a un nouveau stratège pour pouvoir mieux te frapper. Fahada, ida ahada ghadar. Ida ahada ghadar, il te trompe. C'est un peu comme ida tumena khan, c'est un peu la même chose. C'est un peu comme la même chose. Sauf que Itumina Khan, c'est un peu plus large. Ama'ahada, c'est-à-dire au niveau des pactes. Il y a des pactes, il y en a qui sont faits, des choses qui sont signées. Et lui, il y en a, il te trompe dans cela. Il signe et en vérité, il ment. Il va te tromper. Naam. Fahadi, il y en a ayat. C'est, comme on a pu voir, c'est les plus gros signes. Et c'est les piliers parmi les signes, il y en a de la ressemblance avec les munafiqs. Wa ila kama kulna hiya kathiratun jiddan. Al-Firriya bi kadhalik al-Kitab, dans lequel il évoque les aspects, les sifat des munafiqin. Il y en a beaucoup, n'am. Fahada huwa al-khulasa fi. Hada huwa al-khulasa fi al-nifaq al-amali, n'am. Fanasallahu azza wa jal yutahhir qulubana min al-nifaq. Ma wahara minha wa ma batan. N'am, c'est important, yani, d'utiliser ce genre de choses-là dont as-sahaba, ils avaient peur. Dont sahaba avaient peur. Parmi eux, des personnes qui étaient Mubashar bil Jannah, qui Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Il a demandé à Hudhayfa ibn al-Yaman, Assamani Nabi sallam min al-Munafiqin, alors que Nabi sallam il lui a annoncé le Jannah. Il a demandé à Hudhayfa, parce qu'il connaissait les noms des Munafiqs, est-ce que Nabi sallam il m'a nommé parmi eux, subhanallah. Yani Omar ibn Khattab, c'est-à-dire la deuxième personne, après yani, au niveau des Sahaba, le deuxième meilleur homme yani, parmi les Sahaba. Et le deuxième meilleur homme parmi les compagnons des Anbiya. Omar ibn Khattab, c'est le deuxième meilleur compagnon des compagnons des Anbiya. Ou Abu Bakr, c'est le meilleur des compagnons des Anbiya. Fait le deuxième d'un meilleur compagnon des Anbiya, il avait peur à la nafsi bin nifaq. Fa kayfa bina wa huwa mubashshar bil jannah. Kayfa bina wa nahnu on voit yani bil aks yani. On a des œuvres, il y en a peut-être qu'il y en a, بالعكس, تبشرنا بهذا بالله عز وجل. On a des œuvres, il y en a qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas bonnes comme on dit. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. Il faut faire des efforts par rapport à cela et toujours avoir peur et toujours se remettre en question. À l'insan, il faut toujours qu'il se remette en question. À partir du moment où il pense qu'il est dans la suffisance et qu'il a, il a fait le boulot comme on dit, Fahada c'est le Adam el Makay de Shaitan. Shaitan il s'amuse avec lui. Hawala. Naam. Ça, Inch'Allah, on va poursuivre demain. En espérant, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, qu'on puisse finir, Inch'Allah, cette semaine-là. Abdullah, Afwan. Ouais. Le hadith où, comment il s'appelle, le sahabi, qui avait envoyé la lettre à la femme, là. Naam. Ça rentre aussi dans l'amali, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il a dit, même si c'est un bon exemple, c'est pour ça qu'il a vu, il est venu à la fin. Omar ibn Khattab, il a dit, da'ani adrib unuq hadha al-munafiq. Parce que l'an l'insan, yani celui qui a amana billahi azza wa jal, ahad Allah de ne pas tromper les musulmans. L'iman, ça implique cela. D'être bon avec les musulmans et de ne pas, de pas être traître avec les musulmans. C'est pour ça qu'il a dit, da'ani adrib unuq hadha al-munafiq. Et le Nabi sallam, il n'a pas. Il n'a pas réfuté. Juste, il a dit, yani, cette personne-là fait partie de Ahl Badr. Et quoi qu'il en soit, Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur donner la réussite. Il va leur donner la tauba. Il va leur faciliter la tauba, ces gens-là. Parce qu'ils ont une sincérité qu'on ne retrouve pas chez les autres, parmi les sahaba. Donc, hawala, yani, ils sont voués à s'en sortir, quoi qu'il en soit. Ça montre que, Nabi Sami, il n'a pas réfuté le fait que c'était un munafiq, nifaq, عملي qu'il avait du nifaq par rapport à cela. Naham fa nasallahu azza wa jalla salama wal afia. Et c'était min ahl badr. Kadhalik, un autre exemple pour dire que voilà, même les plus grands peuvent tomber dedans, tu vois. Donc ceux qui sont en dehors de ces grands là surtout à cette époque là fa Allah musta'an, nasallahu subhanahu wa ta'ala salama wal afia. حياك الله يا أخي جزاك الله خير وياك أسأل الله عز وجل ينفعنا وياك بما سمعنا.